fait 100 fois. Les arbres tombent comme des proies. T'entends le bruit, ouais c'est pour moi. Pickaxe en main, skin brillant, sac de champ, full souriant. Le soleil tape, j'suis torse nu, mais j'te compte même en claquette, t'as vu. Gratte pas trop, c'est moi le spot. Fais gaffe, le farm c'est pas open bar. T'arrives chill, j'te drop un shot. Même en slip, j'protège mon buisson rare. On loot, on danse, on chante en bâche. L'été c'est chaud, mais j'garde la clash. Riders qui le brille même sous les palmiers. Tu formes, mais t'es formé. La base est chill, les vibes sont douces. Mais si t'approches, te couches sans mousse. Y'a des viewers, y'a la musique. Et des cailloux pour te faire tragique. J'ai un melon dans l'inventaire. Je le mange pendant que je fais ton calvaire. T'as pas bu, le dommage frérot. J't'ai vu trop tard, t'es dans le rétro. Gratte pas trop, c'est moi le spot. Même l'été, j'garde mes skills au top. Reste bien rangé, coffre qui claque. Chaque petit phare, on finit en claque. On chill, on boit, on part de raid. Mais j'pose mes pieds sous la canopée. Boost en été, c'est le bon combo. Me touche à rien ou j'passe en mode pro. C'est le farm de la paix. Jusqu'à ce que j'me retourne. Là je vois ton pseudo et j'ai plus faim de boire. J'ai faim de toi. Gratte pas trop, c'est moi le spot. J'plante mon drapeau sur ta grotte. Même dans l'eau, j't'envoie des flèches. Et j'finis au son de la fête. T'as pas pu le bah, c'est pour moi. J'vais poser des wallets.